Je cours. Je cours. Je grimpe. Je glisse. Je saute. Je saute sur un pied. Je rampe. Je galope. Je me balance.